les gars. Ouais, lâche tout ça pour une partie de cash cash. This my shit right here. Come on. Le desperado n'a rien gars fait flipper les badauds. Mon ego est tel que je peux pas m'empêcher de faire des dégâts. Le race mis sur le mix au max et fais bouger ta mise au top. Je représente un put it on. On joue les matadors, les femmes adorent les hommes puissants. J'en suis visant quand on se suit. Il s'ensuit que je veux une Mercedes Benz belle comme UDS en signe de richesse extérieure cuir à l'intérieur supérieur. Vivre à mille à l'heure dans une villa. Drap de satin qui caresse mes fesses tous les matins pour y arriver. Certains choisissent le crime, c'est crame. Mes mains jouent leur vie au jour le jour sans lendemain. L'avenir n'est pas au menu. Pour eux la fin justifie les moyens. Il faut que tu saches qu'ils vivent pour le cash. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois Noriega pour les femmes assurent le show. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois le one shot pour les Lascar assurent le show. Yo, pour le show cash cash. C'est comme ça que ça se passe. Moi et mes frères on est unis comme la mafia. On est bien obligé car on flotte sur le même mafio. La vie est ingrate, alors tu grattes ton portefeuille. Porte le tail, les pifs t'en sont partis. Une larme coûte de ton œil. Œil pour œil, 100%. Porti cash, la jeunesse s'arrache. Pour faire tisser du champagne, que boire de l'eau plate. Flotte dans l'espace, la galaxie, écoute mon maxi. Pas vilain comme spot, je fais des smacades toute la jeune féminine, parfaite et sexy. C'est vrai qu'elle m'excite, mais pour elle, j'ai fait de flanc. Garde ma tête sur les épaules, m'assure des connexions. Pense à mon crew avant la croupe et vise la coupe. Rempli de paires de diamants, représente mon groupe à coups de team boots. Le style de la rue côté en bourse. Cigare à la main avec des femmes qui me caressent comme un nounours. Rêve de gosse issu de la masse, priant tous les dimanches pour que ses rêves se réalisent à la messe. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois Noriega pour les femmes assurent le show. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois le one shot pour les Lascar assurent le show. La star du trottoir guette son argent, fait la fête. Flip tout le monde réclame liquide, liquide mon flow fat. Je pense comme une locomotive sur des rails, casse la baraque. Il est tellement spécial qu'il est classe et baroque. Les MC se font arac, mais qui rit, rira bien le dernier. Moi je suis le premier à pécho les deniers muchacho. Trop souvent j'ai vu mes parents se battre, couler la soie sur leur front pour amasser assez de fric. Le chic, le strass, connais pas. Dans la vie de tous les jours, on se passe de paillettes entourées par les voraces. Impuissant dans ce monde, chaîne ma vie. La convoitise fout la bagaille, je suis de la partie pour du cash. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois Noriega pour les femmes assurent le show. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois le one shot pour les Lascar assurent le show. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois Noriega pour les femmes assurent le show. Un pour le cash, deux pour le flow. Tout se passe bien tant que j'obtiens mon cash flow. Un pour le cash, deux pour le flow. Trois le one shot pour les Lascar assurent le show.